Bonjour Julien. C'est à vous dans quelques instants pour une histoire de banque qui vous doit des sous. Je vous présente la Dream Team. Après, énorme surprise pour tous les auditeurs. Il y a la Divina, Maître Fellono, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Il y a Hervé Pouchol. Il y a Bernard Sabat. Double négociation. Bonjour Julien. Toute l'équipe, bien sûr, du Standard et d'Alain Hazard. La porte ouverte démarre. Nous réglons vos problèmes avec le sourire sur RTL. Mais aujourd'hui, jour de fête, vous savez que grâce à vous, cette émission est la plus écoutée de France entre 9h30 et 11h, réunissant 1 400 000 personnes à chaque instant. C'est quasiment le double de tous nos concurrents. C'est extraordinaire, donc on a décidé de vous récompenser tout au long de l'année. Voici le point d'orgue de cette récompense. Car Tonton Georges, qui vient toujours avec sa hôte pleine de cadeaux, vous offre aujourd'hui, écoutez bien, 5 nuits à l'hôtel 5 étoiles Sofitel Mauritius, l'Impérial Resort and Spa. Et vous partirez avec la compagnie aérienne Corsair. 5 jours de rêve, les 5 restaurants, etc. La plage idyllique, vous connaissez ça, Bernard. C'est quand même the destination là-bas. Hein. Moi, je l'ai promis à mon épouse d'ailleurs, d'aller à l'île chez Maurice. Mais vous faites comme moi, vous faites un cadeau. Moi, j'ai fait un cadeau, j'ai offert à mon épouse un voyage comme celui-ci. Je lui ai mis une petite enveloppe. Inscris-toi sur RTL, peut-être tu gagneras un voyage. Et c'est ce qu'elle a fait. On verra bien si elle gagne ou pas. Donc, vous n'hésitez pas, vous gagnez ce super voyage. Vous faites le 30 de 10. Touche numéro 2, ça c'est pour arriver au standard jeu. Et après, il faut taper 1 ou 2 selon la réponse. La question est simple, où se trouve la plage paradisiaque de Trou-aux-Biches? Elle se trouve à l'île Robert, réponse 1, ou à l'île Maurice, réponse 2. Donc, on va être très clair, 32-10, touche numéro 2, puis encore numéro 2. Ou encore, SMS, ça va encore plus vite, SMS RTL au 74-900. Bonne chance, tout à l'heure, l'une ou l'un d'entre vous partira pour 2, hein, ils partiront à 2, à l'île Maurice. On y va, on attaque le premier cas. Vous écoutez le 9h31 sur RTL. C'est Marcel. Marcel, à quelle heure avez-vous appelé sur l'antenne d'RTL? À 9h10. À 9h10, pétante. Et vous voici sur le standard. Et depuis le 16 août, votre banque, d'après ce que vous nous dites, on va vérifier tout ça, vous doit 200 euros, car en fait, vous avez un virement permanent de 2 fois 100 euros. On est d'accord? Exactement, sur des comptes d'épargne. Puis-je savoir à quoi correspond? C'est un organisme? Non, c'est une banque normale. Non, c'est un organisme qui vous vire les 100 euros? Non, c'est sur mes comptes, vous savez, c'est un placement que je mets 100 euros sur des comptes d'épargne pour les placer. D'accord. Simplement. Bien, voilà. Donc vous placez ces 100 euros sur des comptes d'épargne, et là aujourd'hui vous vous êtes aperçu de quoi exactement? Eh ben, c'est que le 16 août, le virement a bien eu lieu de mes comptes courants sur mes comptes d'épargne. Oui. Mais une fois arrivé sur mes comptes d'épargne, ce virement figure bien et le même jour, ils ont été retirés mais pas remis sur mes comptes courants. Oui. Donc je suis en déficit de 200 euros. D'accord. Moi, avoir pas bien compris. Parce que vous les mettez. Oh, ils sont sur le. Non, mais Marcel, attendez. Attention, Marcel. Quand je dis je n'ai pas compris, ça ne veut pas dire que vous êtes mal exprimé. Ça confirme juste que je suis un abruti. Mais ça, si vous voulez, c'est un peu la griffe de l'émission. Donc 200 euros sur son compte courant. Normalement, les 200 euros partent du compte courant sur un compte épargne. Et là, il nous dit que sur le compte épargne, ils y sont. Ils y sont. Et puis ils disparaissent dans la même journée. C'est-à-dire qu'ils auraient été. Compte épargne a été crédité, puis débité. Ah, ils sont pas revenus sur le compte courant. Et non, c'est là le problème. Ah, mais non, mais c'est ce que j'ai compris, moi. Vous êtes sûr, Marcel, que vous n'avez pas dit qu'ils sont revenus sur le compte courant après? Ah non. Pas dit ça. Écoutez, je vous fais entièrement confiance, Marcel, mais on va réécouter quand même. Donc, ils ont disparu du compte épargne. Alors, quand vous les appelez, Marcel, parce que ça, c'est super facilement vérifiable, on ne devrait même pas être sur RTL ce matin pour un cas comme ça. Bah non, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben écoutez, ma correspondante à la banque, qui est très sympathique, hein, y a aucun problème, elle me dit qu'elle n'a pas de délai à me donner pour savoir quand ça va être résolu. Ah, donc c'est un problème général de la banque. D'accord, donc il ne nie pas que l'argent a disparu, mais ils vous disent il reviendra quand il reviendra. Ben voilà, ça c'est fantastique. Depuis j'ai fait des mails, c'est fantastique. J'ai toujours pas de nouvelles. Voilà. Eh bien écoutez, ça c'est une belle histoire que l'on va essayer de résoudre et très vite parce que. C'est une petite somme, mais je trouve pas. Non, il n'y a pas de petite somme. Attendez, déjà 200 euros, pardonnez-moi, mais il y a beaucoup de gens, vous savez, dans cette émission qui nous appellent et qui vivent avec 400 ou 600. Donc 200, c'est juste la moitié de ce qu'ils touchent par mois. Donc c'est énorme. Et il n'y a aucune raison que quand il y a une erreur comme celle-ci, ça ne soit pas réparé immédiatement. Imaginez l'erreur dans l'autre sens, avec un chèque impayé. payer. Est-ce que vous croyez qu'on va vous dire c'est prenez le temps ça, bien c'est sûr. Bien pour ça que je vous contacte. Mais il a, à Marseille, il a compris. Il s'est dit ça. Ça, ouais, ça, c'est un truc pour le grand, ça va l'énerver. Maître Felloneau. Alors écoutez, c'est une petite somme. Et puis, il y a un petit code monétaire et financier aussi dans la vie, avec un petit article L133-18 qui indique que lorsqu'il y a une opération bancaire qui a été effectuée alors que vous, le titulaire du compte ne l'a pas autorisé, le banquier doit rembourser immédiatement. C'est pas moi, c'est pas Julien qui le dit, c'est la loi. Alors la loi, c'est la même pour tous, y compris pour le banquier. Et puis Marcel, vous êtes voisin. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je suis, vous savez, là-bas du côté de Gaillon, Cailly, etc. Ah bah, c'est juste à côté de chez vous. Exactement, on est pas loin, on est vraiment à côté. Marcel oui. Milord, à qui la banquière dit régulièrement... Allez, venez, Milord, arrêtez votre argent, tu vas pas nous faire suer parce qu'il te manque 200, tu vas nous... Voilà, bon. Parce qu'il a une banquière, il a une banquière qui connaît bien l'œuvre d'Édith Piaf. Marcel, on les appelle dans une seconde, les auditeurs seront là pour tout écouter et nous aurons Bernard qui va négocier bien sûr. Avec un deuxième cas est en préparation, j'attends vos appels au 3210 et sur Facebook la page ça peut vous arriver. N'oubliez pas que vous partez à l'île Maurice, quel beau cadeau, 3210 touche numéro 2 puis encore touche numéro 2 ou bien SMS RTL au 74 900, vous imaginez 5 nuits à l'île Maurice avec Corsair au Mauritius Sofitel Imperial Resort. Bonnes vacances à vous tous. A tout de suite pour l'appel de Monsieur Marcel sur RTL. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies ? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur Conforama.fr. Vous êtes artisan ou conjoint d'artisan ? Du 1er au 14 octobre, vous élirez vos représentants à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Votez pour les candidats de l'UPA. Ils défendront à 100% les intérêts de votre entreprise. Retrouvez-nous sur upa.fr. L'artisanat, c'est nous. Votez UPA. Au fait, chérie, j'ai raflé la portière de ta voiture. Quoi ? Mais... Ah, sinon, goûte-moi cette nouvelle tablette pure origine Équateur de chez Réauté Chocolat. Après tout, c'est qu'une portière, hein ? Découvrez-vous aussi l'effet Réauté Chocolat avec une nouvelle gamme de tablettes à partir de 2,95€. Réauté Chocolat, fabricant chocolatier. Pour votre santé, bougez plus. Au salon du véhicule de loisirs. Dis donc, le salon international des camping-cars, caravanes et mobilhomes de Paris Le Bourget, c'est à partir du 24 septembre. Eh, on y va ensemble en camping-car ? Ah oui, bonne idée. En plus, tu verras, c'est très facile d'accès et surtout, il y a le village camping-car. Ah ouais, ça c'est vraiment bien. Et le soir, on en profitera pour aller au dîner-spectacle. C'est toujours super sympa. Du 24 septembre au 2 octobre, découvrez le plus grand choix en France de camping-car, caravanes et mobilhomes au salon des véhicules de loisirs de Paris Le Bourget. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Marcel, j'ai réécouté la bande, votre explication est parfaite, j'avais rien compris. Donc je vous présente mes excuses. Marcel nous a expliqué qu'il a donc un virement qui part régulièrement pour un placement de son compte courant sur un compte épargne, 200 euros, et puis un jour il arrive sur le compte épargne et il disparaît à la minute près. Donc il dit, les enfants, où sont mes 200 euros ? Et là on lui dit, il y a une erreur générale de la banque, on va vous remettre ça. Mais ça date du 16 août. Et depuis, on ne lui remet pas. Ce qui est juste une aberration. Là, je le dis, on marche sur la tête. Donc Bernard, faites-moi vite le numéro de cette grande banque. Oh, évidemment oui. Qu'ils ne l'ont pas fait exprès. C'est juste la lenteur pour remettre l'argent qui m'ennuie un peu. Ah oui. Pour laisser un message, patientez quelques instants et parlez après le bip. La banque se trouve. Contactez un autre conseiller. Qu'est-ce qu'il faut dire après la banque ? Maintenant la touche 2 après de votre téléphone. Elle n'est pas disponible, il fallait laisser un message, sinon vous vous demandez le 2. Merci. Pour aller sur un autre conseiller. Oh là ! Faire le 2. Ah bon, on fait le 2 alors. Tapez 0 pour les mentions légales. Oh non ! Oh non ! Non, pas le 0. Un conseiller va vous répondre. Ah, tant mieux. Pour améliorer la qualité de notre service et afin d'assurer la traçabilité de vos opérations, oui. Cet appel peut être enregistré. Mais ça me va. Oh, dis donc, j'ai cru que c'était oriental au début. Votre temps d'attente est destiné la banque de Bernard à plus de 3 minutes. Nous vous invitons à renouveler votre appel. Mais voilà. Sinon, Restez en ligne. Ah non, reste en ligne. Donc 3 minutes. Marcel, vous avez le temps d'aller vous faire un petit café, si vous aimez le café, bien sûr. C'est parfait, je vous remercie. Allez Marcel, vous restez près du téléphone, mettez le haut-parleur et vous enlèverez le haut-parleur au moment de me reparler. Mais comme ça, vous entendez ce qui se passe, ok? Ça, c'est le premier cas de Marcel. On appelle une banque. Je tiens à dire à Alain Hazard, notre rédacteur en chef qui est italien, que la banque se trouve boulevard des Italiens. Comme par hasard, il y a de l'argent qui disparaît. Mais bon, on ne va pas en dire, faire des tonnes non plus. Oui, vous avez quelque chose à dire? Simplement, depuis hier soir, je suis surtout niçois. Oui, c'est vrai, il est niçois. Et Nice est en tête du classement. Bordeaux n'est pas loin, mais là je reconnais que pour l'instant c'est Nice qui est numéro 1. Le deuxième cas, si vous le voulez bien, le deuxième cas c'est celui de Roger. On va juste lui faire un petit coucou à Roger. Est-il en ligne? Bonjour Roger. Allô, bonjour. Bonjour Roger, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c'est que l'on prend votre cas Roger. La mauvaise c'est que c'est Hervé Pouchol qui va s'en occuper. Et nous allons essayer de voir. Il s'agit d'une voisine que vous voulez faire, que vous voulez aider. Elle a fait appel à un plombier. Et alors dites-moi juste combien ça lui a coûté. Alors, 467,37 €. Pour une petite histoire de joint, hein, de joint des vieux trucs classiques, donc ça fait cher. On s'en occupe dans une seconde, Roger. On va se retrouver pour parler de ça, et dès que Marcel, le cas de Marcel et Bernard Sabat, dès que la banque répond, la petite alerte que vous connaissez bien, ça veut dire qu'on a quelqu'un, on le bascule immédiatement sur l'antenne d'RTL. Voilà, bah ça c'est l'hymne un peu de l'émission, puisqu'à chaque fois qu'on a une bonne nouvelle, on vous envoie le refrain, vous leur dire ça y est, on a réussi, on s'est battu ensemble, et là on va se mettre le titre en entier pour nous porter chance. Ladies and gentlemen, vous êtes sur votre radio préférée, elle s'appelle RTL, vous écoutez le 9h30-11h. Un bon jeudi avec Earth, Wind and Fire. Fire, September, et tout de suite Bernard, qui a peut-être la banque pour le cas du virement qui n'est jamais apparu, le virement de Marcel. Bernard Sabat, qui avez-vous? Julien, j'ai une conseillère, mais c'est sur une plateforme. Ah d'accord, alors bonjour la plateforme, c'est Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL, je ne vous dérange pas? Non monsieur. Bien, je vous appelle car je fais mon émission ce matin et j'ai un de vos clients. La banque reconnaît d'ailleurs qu'il s'est passé ce que je vais vous raconter, mais ne remet pas l'argent. Bref, il avait un compte courant. Il y a un virement qui a lieu tous les mois de son compte courant vers un placement que lui a proposé la banque de 200 euros, un compte épargne. Et puis un jour, le virement est parti du compte courant, est allé sur le compte épargne et dans l'heure qui a suivi, a disparu du compte épargne sans qu'il y ait eu de retrait, de rien de quoi. La banque lui dit, ok, excusez-nous, mais depuis août, ne lui remet pas l'argent. Alors, on a essayé de contacter contacter l'agence qui se trouve, et ça serait bien si vous pouviez nous la passer. Je crois qu'elle est boulevard des Italiens. C'est à Marseille, c'est à Louviers ou boulevard des Italiens? Non, pas boulevard des Italiens, Julien. C'est à Louviers. C'est à Louviers. Ah oui, c'est là. Ouais, voilà. D'accord. Monsieur Courbet. Oui, madame. Monsieur Courbet, vous me donnez un petit instant? Mais je vous en prie, madame. Je vous remercie beaucoup. Marcel, je vous en prie, oui. On patiente. Merci. Deuxième café pour vous. Marcel, à la fin de l'émission, on va l'appeler, il va nous faire... Parce que à chaque fois, on lui envoyait boire des cafés. Ça va, Marcel? Non, là, je suis sur le toit. Mais qu'est-ce que vous faites sur le toit, Marcel? Mais Marcel, arrêtez. Mais c'est pas le café. C'est ton 8e café. Marcel, je vous en prie, arrêtez. Non, je vais courir tout nu sur l'autoroute. Non, ne faites pas ça, Marcel. On va régler votre cas. Chauffe. Et Marcel, le pauvre, n'arrête pas de l'envoyer boire des cafés. Ça va mal finir, je vous le dis. Bon, Marcel, à tout de suite. Oui. Elle va nous répondre. Donc, boulevard des Italiens, c'est le siège, je suppose. Exactement. Et vous êtes à cette bonne vieille agence qui se trouve rue du Maréchal Foch, à Louviers. À Louviers, voilà. Je connais le vendeur de vélos. Il y a un super magasin de vélos. Oui. Eh ben oui. Oui. Et voilà. Ben c'est super intéressant. C'est intéressant, ça. On est content pour vous. C'est des bons moments de radio, ça. Bien, Marcel, je vous retrouve dans quelques instants sur RTL. On a donc le temps d'attaquer le cas numéro 2, cas de Roger, c'est avec vous Hervé. Roger, bonjour de nouveau. Bonjour. Alors Roger, vous occupez d'une personne âgée malvoyante, cette voisine a fait appel à un plombier lorsque vous étiez en vacances et ce plombier a facturé 467 euros à cette voisine pour avoir changé un joint de bonde sous évier en 10 minutes. Bah dis donc. Vous avez envoyé une lettre recommandée, mais vous n'avez aucune nouvelle, je suppose. Oui, voilà, exactement. Bon, est-ce que vous êtes vraiment sûr à 100% qu'il n'a fait que ça? Oui, la voisine, au dire de la voisine, il a passé 10 minutes, il s'est occupé, sous l'évier. Alors Roger, attention, oui. moi je préfère vous mettre en garde, Roger, parce que bon, elle est malvoyante, elle pense que c'est 10 minutes, mais il faut quand même qu'on ait un peu de biscuit, là c'est une consultation instantanée, hein. Vous nous avez appelé, on n'a pas vérifié, mais il a peut-être fait d'autres choses. Est-ce que vous avez lu, qu'est-ce qui a marqué sur la facture? Alors, main d'œuvre, 79,50 €, déplacement, 37 €, réparation de fuite sous évier, et comprenant jointure et remise aux normes de l'évier. Alors ça, comprend pas ce que ça veut dire, remise aux normes de l'évier. Donc, on va surtout appeler, si vous le voulez bien, Roger, pour demander des explications, mais pas pour dire il faut rembourser, parce qu'il a peut-être fait beaucoup de choses. Vous voyez, déjà, je trouve qu'au niveau du déplacement, ça reste raisonnable. La main-d'œuvre, donc, il compte une heure, je suppose qu'il ne compte pas par 10 minutes. Les plombiers, dans ces cas-là, comptent une heure pleine. Oui, exactement. Donc après, il faut voir ce qu'il a fait. On va l'appeler, on va voir. C'est intéressant. Oui, vous vouliez dire, Maître Filonio. Bah, écoutez, alors, les normes, la mise aux normes d'un évier, moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. 467 € un joint, bah, ça doit faire pâlir d'envie un bon nombre de dealers dans Paris et sa région. Mais c'est très drôle, ça. Mais effectivement, non, mais la mise aux normes, ça, dans l'installation, je veux bien quand on pose peut-être un évier neuf. Mais là, je ne vois pas très bien ce qu'il a fait. Sauf s'il a effectivement fait une intervention. D'accord. Importante qui peut se voir à l'œil nu. Ça, faudrait quand même poser la question. Alain Hazard, rapidement. Julien, si c'est vraiment un problème de joint, c'est tout bête. Même vous, même moi, on peut changer. Si. Vous ne m'avez pas vu. Ça doit coûter au grand maximum avec le déplacement 150 euros, pas plus. Alors, c'est la mise aux normes peut-être qui est un peu exagérée. On les appelle dans une seconde si vous le voulez bien. N'oubliez pas, 3210, touche numéro 2 et encore touche numéro 2 et vous partirez à l'île Maurice avec Corsair, Sofitel Mauritius ou bien SMS RTL au 74 900. Excusez-moi, il y aura une alerte, Bernard Sabat? Oui, c'est sur Marcel et le cas de la BNP avec son argent qui circule et on ne sait pas où il est. Allez, dans une seconde. Si, Marcel, on sait où il est chez lui, c'est l'argent. On se retrouve dans une seconde sur RTL. Ça y est, Daniel, je prends des cours d'œnologie. Vous? Ah oui. Vous feriez mieux d'aller chez U directement. En ce moment, c'est l'incontournable, la célébrissime foire aux vins des magasins U. Et là-bas, les connaisseurs du club des vins et terroirs vous font partager leurs coups de cœur. Comment ça, ils me les font partager? Avec leurs petites collerettes violettes, vous êtes certain d'avoir un bon cru au meilleur prix. Chez U, pour choisir un bon cru, pas besoin de nez, il suffit d'avoir l'œil. C'est jusqu'au 1er octobre. Dans les magasins U participants, liste sur magasinu.com. U, les nouveaux commerçants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL présente Renaud Phoenix Tour. Renaud en tournée dans toute la France, en concert du 11 au 15 octobre et du 25 au 29 octobre au Zénith de Paris-Lavillette. Infos et réservations sur backline.fr, dans les points de vente habituels et sur RTL.fr. Renaud Phoenix Tour, depuis toujours avec RTL. Avec France 2. Salut, moi c'est Lucas. Lucas Dubol, oui, je sais. Et Dubol, j'en ai. De quoi remplir une armoire. Hier, je démarre ma Citroën et là, le fameux message. Toi, va faire réviser ta voiture. Du coup, je prends rendez-vous sur Citroën.fr et sur le site, qu'est-ce que je vois pas? Avec l'opération Soyez malin et faites le plein, plus j'entretiens ma voiture, plus on m'offre du carburant. Ça va jusqu'à 280 euros. Là, c'est plus du bol, c'est un bidon. Et moi, je dis merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur Citroën.fr. Être malade, ça tombe toujours mal, surtout lorsqu'on n'a pas trop les moyens. Heureusement, quand votre budget est en mauvaise santé, l'ACS peut vous aider. Avec l'ACS, vous n'avez pas d'avance de frais chez les professionnels de santé, ni de dépassement d'honoraires chez le médecin. Vous êtes aussi aidé pour payer une mutuelle ou une complémentaire santé, et vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l'électricité et le gaz. Comme ça, vous êtes soigné, et votre budget aussi va mieux. Renseignez-vous sur l'ACS au 0800 971 391, service et appel gratuit, ou sur amélie.fr. L'assurance maladie. Avec les affaires Bricoman, le mitigeur évier idéal style chromé de marque idéal standard avec limiteur température garantie 5 ans est à seulement 70 euros au lieu de 79. Offre valable du 23 septembre au 4 octobre 2016. Plus d'infos sur bricoman.fr. Bénéficiez d'avantages exclusifs spécial pro avec la carte premium pro disponible en magasin dépôt. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il y a eu une alerte priorité toujours au cas précédent quand on est en direct sur RTL dans le 9h30-11h. Le cas de la BNP avec Marcel. 200 euros ont disparu de son compte épargne. Il veut savoir où ils sont et surtout qu'on lui remette puisqu'apparemment la banque ne nie pas. Alors écoutez, Julien, la plateforme m'a répondu la chose suivante. Voici un numéro de téléphone à Paris. Appelez, vous demandez Madame Niella, c'est tout. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas le droit de communiquer Madame Niella. Davantage. Madame Niella. Bah, faites-le le numéro. Bah voilà, il est prêt. Allez, c'est parti, on appuie pour faire Madame Niella. Ce que j'aime chez Madame Niella, c'était une chanson qui avait fait un malheur, ça, à l'époque. Je ne me rappelle plus qui chantait ça. Allô. Allô. Oui, bonjour Madame Niella. Pardon, allô. Je suis à la BNP. Oui. Oui, bonjour. Relations presse de BNP. C'est parfait. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je vous explique en deux mots le but de mon appel. J'ai un auditeur qui est un de vos clients, il s'appelle Marcel Milor, il a son compte à Louviers. Et chaque mois, on lui prend 200 euros de son compte courant pour le mettre sur un compte épargne, puisqu'il a fait un placement chez vous. Et récemment, en août, le compte épargne a donc reçu les 200 euros qui ont disparu dans l'heure suivante. Alors, il s'en est aperçu, il a tout de suite appelé la banque, il lui a dit oui, il y a eu un petit problème, mais depuis maintenant le 16 août, on ne lui a toujours pas remis ses 200 euros. Et là, il commence à trouver un petit peu le temps long. Est-ce que vous pourriez, alors on a essayé d'appeler BNP Paribas à Louviers, qui nous a envoyé chez vous. Je vous ai tout dit. Attendez, ne quittez pas. Hein. Je vous en prie. Marcel ! Oui. Vous allez pouvoir aller boire un petit café. Encore. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est comme ça, à chaque fois on me dit ne quittez pas. Donc, nous avons appelé d'abord la plateforme Les Italiens. Oui, alors, de nouveau, une autre alerte. Florence Duhamel, carrément la conseillère de Monsieur Milor qui est là. Monsieur Duhamel, Madame Duhamel, bonjour. Ah. Ça va? Oui. Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL avec Marcel Milor. Marcel, vous lui dites bonjour. Bonjour Madame Duhamel. Ah, écoutez, c'est bien quand on peut. Vous voyez, ça c'est génial ouais, quand on peut régler des problèmes. Madame Duhamel. Ah ben je vois ça. En tout cas, elle est de bonne humeur ce matin. Alors, c'est difficile. Madame Duhamel, est-ce que vous pouvez expliquer à Marcel? Alors, je vous laisse encore un petit peu rire. Bah, c'est vrai que d'un autre côté, 200 euros qui disparaissent comme ça, ça fait un peu marrer. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui s'est passé avec les 200 euros de Marcel alors? Je suis allée au restaurant. Ah, vous les avez pris? Vous les avez piqués, c'est fantastique. Bon, c'est très bien. J'adore, madame, quand on peut discuter comme ça, et c'est bien. Mais ceci étant dit, il veut savoir, Marcel, ce que sont devenus ces 200 euros. Et quand on va les rendre, surtout? Non, je ne vais pas les rendre. Madame, vous pensez que c'est une blague, je suppose? Bon, alors mettez-lui un petit jingle RTL à cette dame. Madame, nous sommes sur RTL actuellement. Je vous assure, c'est pas une blague. Parce qu'après, j'ai peur que ça se retourne contre vous. Il y a Marcel Milor qui va. Alors, Marcel, expliquez à cette dame, dites-nous à quoi elle ressemble pour bien voir que c'est pas une blague. Oui, mais je l'ai appelée il y a deux jours, Madame Duhamel. Alors, donnez-lui d'autres détails pour qu'elle comprenne que c'est pas une blague. Il n'y a aucun problème. Madame Duhamel ? Oui ? Oui, mais c'est pas une blague du tout, hein. Ah, mais j'ai cru que c'était une blague. Mais non, c'est pas une blague. Vous êtes en direct sur RTL. On est en direct à la radio sur RTL. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, les 200 euros sont où, alors ? Sont passés où ? Attendez, c'est pas moi qui il faut demander, donc... Bah comme vous êtes sa conseillère, si on ne demande pas sa conseillère, on demande à qui, alors ? Eh ben, j'ai fait remonter l'opération à mon service de... Est-ce que vous pouvez me passer le responsable de l'agence de Louvier ? Non, je n'ai pas de responsable à l'agence. C'est vous la responsable, en fait ? Non. Moi, je suis le comte de Monsieur Milord, mais Madame, j'ai... attention, il y a aucune méchanceté dans ce que j'ai. Moi, j'essaie de comprendre parce que comme il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, si je viens à la BNP de Louvier, que j'ai 200 euros qui disparaissent de mon compte, je vous appelle, vous me dites j'ai fait remonter, je vous demande de parler à un responsable, vous me dites il y a pas de responsable BNP à Louvier, voyez avec la direction. Réunion, donc je vois avec qui je vois au-dessus. Il est en réunion. Oui, il n'est pas à l'agence. Il s'appelle comment, ce monsieur ? Monsieur Jaillet. Alors, monsieur Jaillet, si vous connaissez monsieur Jaillet, vous êtes cousin, ami, essayez de l'envoyer un petit mot sur son texto, sur son portable, pour lui dire que ce matin, on essaie d'aider quelqu'un. Et on va essayer d'appeler le siège. Mais vous, la conseillère de Marcel, vous n'êtes pas capable de lui dire ce que sont devenus les 200 euros ? Ben non, c'est un problème technique au niveau de notre service que j'ai fait remonter à notre service général au niveau du traitement des virements et qui sont en train de résorber le problème. Ils sont en train de résorber le problème depuis le 16 août. Ben oui. D'accord. Donc, résorbation, oui. Là, madame, moi je veux bien qu'il y ait un problème technique, ça on vous croit tout à fait, et qu'il soit difficile à résoudre, on vous croit tout à fait aussi. Mais tout n'est pas informatisé, il y a quand même des moyens de recréditer un compte, d'autant que la loi vous impose de le faire immédiatement. Et c'est depuis le 16 août que ça traîne. Donc, il faut absolument qu'on ait essayez quelqu'un de pour voir, madame, que ça va. Vous pouvez glisser un petit post-it ou envoyer un texto à votre patron pour qu'il puisse venir nous parler. C'est possible, ça, que vous lui envoyez un petit message ? Non, il est en réunion, oui, mais, madame, mais pas à l'agence. Il est sur une autre agence. Madame, l'avantage du portable... Madame, vous ne le saviez peut-être pas, mais je vous le dis, avec un portable, on peut envoyer des textos où qu'il soit. C'est l'avantage du texto. Donc, même s'il est à Nancy, si vous lui faites un texto en lui disant « On parle de BNP Louvier sur RTL », il va l'avoir. Il ne faut pas qu'il soit à côté de vous quand vous lui envoyez un texto. Qu'il soit... Vous voyez ce que je veux dire ? N'inquiétez pas. Merci, madame. Vous vous rendez compte que chaque semaine, je suis obligé d'expliquer le fonctionnement du texto aux gens que j'appelle. C'est fou, ça. Allez, Marcel, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Si quelqu'un de la BNP... encore un café. On peut faire un petit tweet à BNP, peut-être, pour leur demander de nous rappeler. Et la dame de la presse, elle est où, du coup ? Elle a raccroché, Julien. Elle a raccroché, c'est normal aussi. On va essayer de la rappeler. On va essayer de la voir. À tout de suite sur RTL. Il y a une alerte. Quelle était l'alerte ? L'alerte, Julien, c'est le cas de notre ami Roger, avec la voisine, vous savez, qui a assisté. Ah, ok. On va la prendre dans quelques instants. RTL. Il y a toujours un petit au look irrésistible dans la classe de nos enfants. Les parents doivent se ruiner. Et non, ils profitent des Original Days chez Tape à l'œil. Les magasins 100% mode de 0 à 14 ans. Jusqu'à moins 50%. Oui, jusqu'à moins 50%. Les Original Days jusqu'au 26 septembre chez Tape à l'œil ou sur t-a-o.com. Valable sur produits signalés dans les magasins et sur le site Tape à l'œil. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. J'ai 5 interventions ce matin. Ah non, 6. Monsieur Dubois a appelé pour une fuite. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Trafic est à 189 euros par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Les jours boosters du 19 au 23 septembre. Venez profiter de nos offres exclusives et tenter de gagner un Kangoo chez nos partenaires pros. Loyer Tax Credit by maintenance 60 mois, 80 000 km pour trafic fourgon. Sous condition de reprise, réservée aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Règlement et liste partenaire sur Renault.fr. Loïc va tester à l'aveugle des bâtonnets de poisson pané. Les bâtonnets Findus à 5,79€ le kilo, puis les bâtonnets Lidl à 3,89€ le kilo. Loïc. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées, portant sur Findus croustibat bâtonnets de poisson pané non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Bâtonnets Findus, 3,19€ les 550 grammes. Bâtonnets Lidl, 1,75€ les 450 grammes. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Point info rapido. Premier cas, Marcel, la BNP s'est trompée, lui a enlevé 200 euros et ne lui remet toujours pas depuis le 16 août. Alors là, on a eu l'agence. Bon, la dame croyait que c'était une blague. On a eu le siège. On restait d'avoir le siège, mais on va aller jusqu'au bout. Et si on doit envoyer quelqu'un boulevard des Italiens, tenez-vous prêt, on fera un duplex. Deuxième cas, le serrurier, la dame malvoyante qui aurait payé 400 euros. Là, on essaie juste de savoir avec le serrurier ce qui s'est passé. On va l'appeler, mais on aura une voisine qui était là et qui va peut-être nous en lire plus dans quelques instants. 32-10, Facebook page, ça peut vous arriver. Votre radio préférée porte un nom, c'est RTL. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit à I love le Rénov. J'aime tes conseils experts. Ta qualité made in France. Ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. I love Marie Guerrier. Il est 10h. Eh bien, l'information sur RTL, c'est avec vous Marie Guerrier, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les deux adolescents de 16 et 14 ans soupçonnés d'être les auteurs de la fausse alerte terroriste samedi dernier à Paris sont désormais placés en foyer éducatif. Ils ont été mis en examen pour appel téléphonique malveillant, divulgation de fausses informations afin de faire croire à une destruction dangereuse, dénonciation de crimes imaginaires, usurpation d'identité, piratage informatique et violence volontaire. En réunion. Les deux garçons qui habitent l'un la Marne et l'autre la Lozère semblent se connaître uniquement via les réseaux sociaux. L'un des quatre pompiers professionnels brûlés lors d'un violent incendie le 10 août dernier près de Béziers dans l'Hérault vient de mourir des suites de ses blessures. Jérémy Beyer avait 24 ans. Avec ses collègues, il s'était retrouvé cerné par les flammes piégées dans leur véhicule d'intervention. Des familles de pompiers et un syndicat mettent en cause le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Ils affirment que les véhicules ne sont pas bien protégés, des protections absentes, inadéquates ou en mauvais état. Hervé Mariton est hors course pour la primaire de la droite en vue de la présidentielle. Sa candidature n'a pas été validée, mais il ne formera pas de recours. Le député Les Républicains de la Drôme l'a expliqué ce matin sur RTL. C'est un choc, c'est cruel, dit-il. Mon combat de conviction s'arrête pour des raisons de forme. Il lui manque 24 signatures d'adhérents. Mais Hervé Mariton conclut, c'est la règle, elle est dure, je la respecte. Je suis respectueux de l'unité de ma famille politique. Manifestation de soutien ce matin à un leader syndical devant le commissariat de Caen. Il y a une cinquantaine de personnes, nous indique Frédéric Veil en Normandie pour RTL. La police a convoqué ce matin le secrétaire général de l'Union locale de la CGT à Caen. Il doit répondre à des questions sur les violences qui ont émaillé la manifestation contre la loi travail le 12 mai dernier dans la ville. L'audition est donc en cours au commissariat. En Syrie, il y a de violents combats en ce moment même à Alep après une nuit de bombardements. Des combats qui opposent les forces du régime du président Bachar el-Assad à une coalition de rebelles islamistes et de djihadistes dans le quartier de Ramoussa à Alep. Aux États-Unis, le gouverneur de Caroline du Nord a décrété l'état d'urgence après une deuxième nuit d'émeutes. La garde nationale va intervenir aux côtés de la police locale. Les violences ont été déclenchées par la mort d'un homme noir tué par un policier. Des stars veulent contrer Donald Trump dans la campagne présidentielle américaine. Plusieurs vedettes d'Hollywood appellent les Américains à s'inscrire sur les listes électorales pour voter et faire barrage aux candidats républicains. Dans un message vidéo, on peut voir notamment Robert Downey Jr., Iron Man au cinéma ou encore l'actrice Scarlett Johansson incitait donc les électeurs à aller voter. La bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin de 0,79% et la tendance reste à la hausse à l'heure qu'il est. Le CAC 40 tourne autour de 4 455 points. La météo, une perturbation peu active arrive par l'ouest, ça donne de faibles averses sur la Bretagne et la Normandie. Ensuite, les nuages vont gagner au fil de la journée les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et puis l'Île-de-France. Partout ailleurs, du soleil après les brouillards locaux. Les températures pour ce premier jour officiel de l'automne, on attend 19 degrés à Brest et Cherbourg, 22 à Strasbourg, 23 à Paris comme à Lille et Lyon, 24 à Nice, 26 à Bordeaux et Marseille et 27 à Toulouse. Les courses à Vincennes, pronostic de Bernard Glass pour le Quintet. Attention, le 12 est non partant. Bernard vous conseille de jouer le 11, le 9, le 5, l'As, le 16, le 10, le 17 et le 3. La dernière minute, c'est le 10, Chaumard. Il est 10h04, vous êtes sur RTL avec bien sûr Julien Courbet. Il a intérêt à gagner le 10 parce que sinon ça sera chômage. Hein. Ah oui, chômage, chômage. Merci beaucoup. À tout à l'heure. 11h. Et nous allons maintenant faire un point rapide. Aujourd'hui, je le rappelle, c'est la consultation, c'est la journée porte ouverte. Vous appelez à 9h, ou depuis 9h, et maintenant 10h04 si vous le souhaitez, et vous passez directement à l'antenne si vous êtes sélectionné. La spéciale portes ouvertes c'est le jeudi sur RTL. Il y a Bernard Sabat. Entre 9h30 et 11h. Il y a Hervé Pouchol. Il y a Maître Félonneau. Il y a deux cas qui ont été lancés. Je rouvre une parenthèse avec le voyage de rêve pour vous remercier d'avoir fait de cette émission non seulement l'émission la plus écoutée de France, ça c'est le cas, entre 9h30 et 11h depuis 17 ans, mais cette fois-ci on a quasiment fait le double de nos concurrents, alors on veut vous faire des cadeaux. Vous partez, je le rappelle, à l'île Maurice. L'île Maurice, 5 nuits à l'hôtel 5 étoiles Sofitel Mauritius, l'Imperial Resort Spa. Il est sublissime cet hôtel. Vous partez avec Corsair et vous allez pouvoir là-bas faire de la plage, de sable blanc, etc. Enfin bref, vous voyez ce que ça peut être comme voyage. 3210, touche numéro 2 pour arriver au standard jeu, puis encore touche numéro 2. Ou ensuite, vous faites SMS, RTL au 74 900. On connaît bien l'île Maurice avec Hervé Pouchol parce qu'on a passé un réveillon ensemble à l'île Maurice il y a très longtemps. Ah ben oui. Et on a décidé, je ne sais ce qui nous est passé par la tête, un jour d'aller faire une pêche au gros. Il fallait se lever à 4h du matin. Oui. Donc nos fiancés, puisqu'on n'était pas mariés à l'époque, sont restés, je crois, au lit. Et nous, on s'est levé à 4h30 du matin et on est parti pêcher. Et on n'a rien attrapé. Et finalement, sur la fin, et je vous assure, après, on commençait à avoir envie de vomir, on n'en pouvait plus, on lui disait, allez, rentre, ça suffit. Il dit, non, il faut continuer, tu vas payer, rentre, je te dis, on n'en veut plus de ta pêche. Et là, pim, on en pêche deux gros. Mais deux gros. Et là, on était super contents parce qu'on s'est dit, on ne s'est pas levé à 4h du matin pour rien. On arrive au port, on lui dit, on peut avoir les poissons. Il dit, ah non, les poissons, c'est moi qui garde. Je lui dis, attendez, vous foutez de moi. Et il n'a pas voulu nous les donner. Mais petite photo. On a fait des photos quand même. On a pu faire des photos. Dis-toi, c'est plus fait pour la photo. Bon, ah là là, quel souvenir. Bien. On a pris des coups de soleil. Ce matin, c'est un festival d'anecdotes intéressantes. J'en ai plein. Point info sur la porte ouverte. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Marcel, qui en a son 8e café, nous a appelé pour nous dire 200 euros ont disparu de mon compte épargne. On a appelé à Louvier. Ou à Louvier, on nous a dit ce qu'on entend à chaque fois. Oui, j'ai un patron. Il y a un patron d'agence, mais il est en réunion. Et on dit, on s'est calé à la dame, qui était très sympa d'ailleurs, envoyez-lui un texto, je ne peux pas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas lui envoyer un texto? Parce qu'il est en réunion. Mais c'est là, juste pour ça qu'on envoie des textos. C'est pour pas déranger les gens. Après, il le lit ou il ne le lit pas. Finalement, vous avez la presse. Alors écoutez, avant de parler de la presse, Julien, sachez quand même que le combiné a été posé par Florence Duhamel. 13 minutes 31, elle a mis son combiné. J'entends parler derrière, mais personne ne nous prend en ligne. Et pour la presse, donc Marion, du service presse de la BNP Paribas, nous a promis de nous rappeler avant 11h avec Hervé. Alors j'espère vraiment que ça va être réglé d'ici 11h. C'est un petit couac informatique, je n'en doute pas, mais un petit couac informatique qui dure depuis maintenant le 16 août, je trouve que ça la fout un petit peu mal. Et ce qui est terrible, c'est que son agence locale n'est pas capable de lui donner une explication. Elle lui dit, c'est remonté au siège, voyez avec lui. Mais Marcel, on ne va rien lâcher. Le deuxième cas, c'est le cas de la plomberie avec cette personne âgée, malvoyante. Son voisin s'en occupe, le voisin part en vacances et c'est pendant qu'il est en vacances qu'un plombier vient. Alors, il a facturé 467 euros. On veut juste savoir à quoi correspondent ces 467 euros. Marie, nous avons une voisine qui, elle, était là. On a Madame Bourreau, tout à fait, qui est en train de faire ses courses avec la femme de Roger. Donc ça tombe bien, elles sont toutes les deux dans la voiture et elles vous écoutent, Julien. Bonjour, Madame Bourreau. Bonjour, monsieur. Alors, Madame Bourreau, je suis ravie de vous parler. Madame Bourreau, dites-moi juste, vous avez assisté à l'intervention du plombier? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, Madame Bourreau? Eh bien, elle m'a dit qu'il a regardé, il a été peut-être 10 minutes en dessous, et puis il a regardé en dessous les billets. Il a regardé dessus, bien sûr. Il a vu qu'il y avait quelque chose qui fuyait. Mais je pense que c'est un joint qui a changé. D'accord. Il n'a pas mis plus de 10 minutes. Ah, et ça, je peux le prouver. J'ai une amie qui est avec moi. Mais pourquoi il y avait encore... Mais vous étiez combien à assister à l'intervention? Il y avait une autre amie qui était là? Alors, allez-y, Alain. J'ai une amie qui était là, oui. D'accord, oui, Alain. Je crois qu'on s'est mal compris. Nous avons en ligne la personne qui a fait venir pour le plombier, et ce n'est pas la voisine. C'est donc la victime, entre guillemets. Que Roger aide. Ah, voilà. D'accord. Oui, ah bon, on m'a dit que c'était la voisine. Ah ben, d'accord, c'est chez vous que ça s'est passé. Exactement. Oui. D'accord. Alors, passez-moi la voisine, s'il vous plaît. Bien sûr, sans vouloir vous commander. Marinette, bon. N'appuie pas sur tous les boutons, hein. Je reste, parle. Ah oui, parce que Marinette, dès qu'elle a un téléphone, elle appuie sur tous les boutons. Marinette. C'est Marinette? Je suis Marinette. Ah, bonjour Marinette. Ah, on n'appuyait pas sur tous les boutons, Marinette. Hein. J'appuie sur rien, je suis trop vieille. Oh, ben non, dites pas ça, Marinette. Dites-moi, Marinette, vous avez assisté à ça, donc ça a duré combien de temps? 10 minutes environ. Il a changé juste un joint pour vous? Il a changé, oui, il a changé un joint. Il y avait une fuite, effectivement. Oui. Et il a changé, il a regardé, et puis il a changé le joint, et puis c'est tout. Et puis. Et puis il a fait une partie. Bon, alors on va l'appeler, vous allez rester avec nous. Là, vous allez vous garer peut-être parce qu'on va l'appeler dans une seconde, ok? Oui. Allez, garez-vous et je vous retrouve. Qu'est-ce que vous alliez faire là toutes les deux? Bavarder. Ah, vous étiez en voiture pour bavarder? On va faire des courses là pour l'instant. C'est ça, parce que vous m'avez fait peur. Je t'ai dit, on va discuter un peu où on va. Bon, on va aller dans la voiture. Allez, on se retrouve dans une seconde sur RTL. Demain soir dès 20h dans Soir de Ligue 1, suivez le match en direct et en intégralité. Tous les buts, toutes les réactions. La Ligue 1, c'est demain soir sur RTL. Avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. La protection de l'environnement est un combat qu'on a envie de mener avec vous. Alors, chez Intermarché, nous avons décidé de distribuer gratuitement 10 ampoules LED à ceux qui en ont le plus besoin. Rendez-vous sur intermarché.com pour bénéficier de ces 10 ampoules LED gratuites. C'est tous unis qu'on arrivera à réduire notre consommation d'énergie. Intermarché, tous unis contre la vie chère et pour la planète. Modalité sur intermarché.com. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov ». Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Vous êtes artisan ou conjoint d'artisan? Du 1er au 14 octobre, vous élirez vos représentants à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Votez pour les candidats de l'UPA. Ils défendront à 100% les intérêts de votre entreprise. Retrouvez-nous sur upa.fr. L'artisanat, c'est nous. Votez UPA. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous appelons le plombier maintenant. Nous avons, je le rappelle, Lucette qui est donc la victime, si je ne m'abuse, Marinette qui est la voisine, et puis c'est Roger qui nous a contactés. Alors là, on a un petit peu moins besoin de Roger, puisque c'est surtout Marinette qui va nous aider à faire comprendre à ce monsieur qu'apparemment il n'est pas resté longtemps. Et comment justifier? Parce qu'encore une fois, là on dit juste, justifiez-nous les 467 euros, puisqu'il y a... Est-ce que je peux avoir la facture, la mise en ordre? Allô? Allô, les établissements Leroy? Oui. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Monsieur, je me permets de vous déranger quelques instants, rien de grave, car j'essaie de comprendre juste une facturation que n'a pas compris une cliente. C'est madame Lucette Bourreau. Vous voyez de qui il s'agit, une dame chez qui vous êtes intervenue. Vous êtes de quel côté, Lucette? À Malmaison. Entre Suresnes et Rueil. Vous voyez de qui il s'agit? Oui, bien sûr. Bah, il faudrait que Madame Lucette, elle s'achète des lunettes, hein, parce qu'on a tout modifié en dessous de son lavabo. Alors, déjà, monsieur, sachez qu'elle est malvoyante, donc vous ne le saviez pas. Alors, je disais bien qu'il fallait qu'elle s'achète des lunettes, voilà, hein, monsieur Courbet. Hein. Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez, encore une fois, monsieur, ne soyez pas agressif, on essaie juste de comprendre. Vous voyez, je vous appelle justement pour expliquer à cette dame que peut-être elle a mal compris la facture. Donc, ça sert à rien de lui dire qu'il allait s'acheter des lunettes. Non, mais monsieur Courbet, je vais vous expliquer quelque chose. Elle m'a envoyé une lettre recommandée, ça va être traité, et puis je réglerai ça avec elle. J'ai pas besoin de la radio pour régler mes problèmes. Je comprends, mais vous pouvez juste, monsieur, comme vous êtes quelqu'un d'honnête, expliquez la dénomination. Oui, qu'est-ce que vous appelez la mise aux normes? Ça n'a rien à voir avec mon problème avec cette dame-là. Qu'est-ce que vous appelez la mise aux normes de l'évier, monsieur Leroy? Attendez, restez en ligne, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Puisque c'est tout ce qu'on veut savoir, il y a eu un changement de joint, donc ça, oui. Ça, c'est marqué d'ailleurs. Mais il y a marqué mise aux normes de l'évier. Donc on attend que monsieur Leroy veuille bien nous répondre. Donc dès qu'il est en ligne, qui est sur ce coup? C'est vous, Hervé. Vous me faites une petite alerte que vous connaissez tous par cœur. La voici, ça voudra dire que monsieur Leroy est revenu sur l'antenne et nous négocierons avec lui en direct. D'un autre côté, nous attendons que la banque nous rappelle également et puis les cas continuent. Évidemment, il y aura peut-être un breaking news d'ici 11h. Vous savez qu'il y avait cette histoire d'expertise suite à une maison qui a été inondée deux fois. On s'est battu pour que l'expert vienne, puisque la protection juridique de l'auditrice lui avait dit « Je peux pas, le jour où vous voulez, parce qu'il y avait l'autre expert qui était là, ça sera plus tard, elle en peut plus. » Et on a réussi à avoir un expert. Ils doivent se retrouver tous les deux ce matin. Alors, elle va peut-être nous appeler tout à l'heure pour nous dire « Ça y est, les experts sont là. » Sinon, on aura Marc et on va parler de voiture avec un véhicule neuf à 30 000 euros, mesdames et messieurs. Ce n'est pas rien et apparemment, il n'est pas du tout content, tout ceci, sur RTL. Et nous écoutons... Alors, attendez, je ne savais pas. On va remettre au début. Je ne savais pas qu'on allait mettre celui-là. Moi, je pensais qu'il y avait de quoi présenter un petit quelque chose. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est Charlie Puth et Selena Gomez. C'est un titre extraordinaire. C'est dans les histoires incroyables de Pierre Belmar. Lorsque Charlie Puth rentre dans la cuisine, Selena Gomez est là. Elle prépare le dîner. Des brocolis. Charlie Puth n'aime pas les brocolis. Il le sait. Il prend donc un couteau et il va la poignarder. 5 fois. La suite, vous expliquez maintenant. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Une alerte, en ce qui concerne le problème de plomberie. Enfin, problème, il n'y en a peut-être pas, on essaie de discuter avec monsieur. Hervé Pouchol. Je vais vous repasser monsieur Leroy qui est très remonté contre vous. Ah bah écoutez, il a le droit. Monsieur Leroy, vous êtes en direct sur RTL, je vous écoute. Oui, pourquoi vous me contactez pour une affaire à 400 euros? La dame, elle ne voit pas, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'on a fait chez elle. On a dû souder des pièces et on a passé du temps là-bas. Alors, monsieur. Donc, si elle voit pas, si elle comprend pas, qu'elle a qu'à aller se faire mettre sous tutelle ou qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de cette dame. C'est pas après, c'est pas pour 400 euros qu'on casse les couilles aux gens. Alors. Et surtout, vous citez mon nom à la radio. Oui, monsieur. Parce que vous n'avez rien à cacher, vous êtes honnête. Bah non, je suis honnête, j'ai rien à cacher, mais là vous êtes en train de faire n'importe quoi là. Alors justement, monsieur, est-ce que vous pourriez... J'ai pas mis les gens à la rue là. Mais monsieur, je ne vous ai jamais dit que vous avez mis les gens à la rue, je vous ai juste posé une question qui est à quoi. Alors écoutez-moi, monsieur, comme vous êtes honnête, vous allez me moucher, vous allez voir. Ils n'ont plus le droit de travailler. Je vais passer pour un imbécile. Expliquez juste qu'est-ce que vous appelez une mise aux normes de l'évier. C'est ce qui est marqué sur le devis. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on vous appelait. On ne sait pas ce que c'est. Même pas le devis sous les yeux. Vous m'avez. Alors je vous le dis. Mais pas passé en audio conférence ou quelque chose pour me prévenir, monsieur Courbet. Mais il y a pas. Pourquoi prévenir? Elle nous a exposé un problème, je vous appelle. Je suis un client, moi, je suis pas au bureau, là. Alors, qu'est-ce que vous... Voilà, mais vous savez ce que c'est qu'une mise aux normes? Expliquez-nous juste. Bien sûr, une mise aux normes, c'est qu'on lui a recelé tout son évier. C'est un évier en grès qui ne tourne même plus. La fuite, elle passe à travers. C'est pour ça que ça a duré chez elle, monsieur Courbet. Ça a duré longtemps, monsieur. Ça a duré longtemps, monsieur Leroy. Mais bien sûr que ça a duré. Ça a duré combien plus temps d'une demi-heure, l'intervention. D'accord. Alors j'ai Marinette qui était là. Il y avait une dame. Vous vous rappelez, elles étaient deux. Il y a Marinette qui était là. Oui. Marinette, combien de temps ça a duré? Combien de temps ça a duré? 10 minutes. Marinette, achète-toi une montre. Alors, il y en a un qui doit s'acheter une lunette, l'autre une montre. Disons, on va faire marcher le petit commerce, là. Hein. C'est bien le petit commerce. Bon, alors, écoutez, monsieur, donc, est-ce qu'elle vous avait demandé, elle, vous, de remettre la mise aux normes, ou est-ce qu'elle vous a juste demandé d'arrêter la fuite? Bah bien sûr qu'elle m'a demandé. En plus de ça, elle perd la mémoire. Et vous voulez que je fasse, moi? D'accord. Alors, on va peut-être lui donner... Non, elle perd pas la mémoire, monsieur. Ne dites pas ça. Écoutez, M. Courbet, je veux pas vous manquer de respect, mais j'ai reçu une lettre recommandée de sa part déjà. Ça va être traité. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je veux pas avoir affaire avec vous. Bon, d'accord. Vous voulez pas lui parler directement pour essayer? Non, je veux pas lui parler. Elle m'a envoyé un courrier. Je vais lui répondre. C'est tout. Ça se fait dans les règles. Elle m'a envoyé une lettre recommandée. Je réponds à la lettre recommandée. Si elle est d'accord, tant mieux. Si elle est pas d'accord, tant pis. D'accord, mais vous ne l'avez pas encore répondu, hein? Ah bah d'accord. Non, je viens de la recevoir. D'accord, ok. Non. Bon, Maître Fellonneau. On vous entend pas, Marinette, vous dites? Ou Lucette? Allô, Lucette, c'est vous qui avez parlé? Bon, on les entend pas. D'accord, on veut mettre en fait le nom. Bon, écoutez, moi je crois que, vous savez, il y a un principe qui dit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Donc effectivement, peut-être que cet évier avait besoin d'être entièrement recellé, etc. C'est un vieil évier et qu'il l'a fait. Mais est-ce que ça vaut 464 €? Mais vous savez même si pas c'est de la... madame l'avocate ou je sais pas quoi. Mais c'est pas détaillé, pas monsieur. Monsieur, vous êtes en train de nous dire que on vous avez tout resserré, ça. Justement, que tout était en train de se déceler. Je reprends vos propres mots, à moins que ce soit vous, effectivement, il faut vous acheter un dentier pour mieux articuler. Ah, parce que là, franchement, là, c'est quand même se moquer du monde. Donc, et vous me laissez parler parce que je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à votre cliente. Alors, si vous vous voilà. Pas à moi, donc, alors, justement, Lucette, effectivement, il faut savoir si ce monsieur... Non. Si, bah, si. Ça, voilà. Maintenant, si, j'avais entendu. Mais je pense qu'on avait assez entendu. Et il faut savoir effectivement si ce qu'il a fait mérite le prix qu'il a facturé. Parce que ça doit être fait de bonne foi. En tout cas, c'est un principe du code civil et ça se fait valoir devant un juge, Julien. Notre job, c'est vraiment de donner la parole aux deux parties pour qu'elles puissent s'exprimer. Nous avons donné la parole aux établissements Leroy pour qu'il n'y ait pas de confusion parce qu'il y a plein de Leroy. C'est la boîte qui se trouve avenue Victor Hugo à Rueil-Malmaison. S'il veut nous rappeler, même pour m'insulter si ça lui fait du bien, il a le droit. C'est monsieur Usan. Je pense que nous avions au téléphone, en tout cas le gérant est monsieur Usan. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il faut attendre que ce monsieur réponde. Oui. Et après, vous allez me rappeler. Juste derrière, on va vous donner un numéro. D'accord, Lucette? Ok. Allez, vous faites ça, vous attendez la réponse. Encore une fois, Lucette, je pense qu'il y a juste un petit accord à trouver. Parce que, alors déjà, vous voyez, lui, il dit que ça a duré plus d'une demi-heure. Vous, vous êtes sûr, Lucette, que ça n'a pas duré plus d'une demi-heure, hein? Oui. Bon, ok. Oui. Eh ben, attendons la réponse et puis on va continuer le dossier. Un dernier mot, rapidement. Exactement. Rien qu'une demi-heure, je pense qu'il le reconnaît lui-même. Je ne pense pas qu'il facture un taux horaire de main-d'œuvre à 800 euros. Donc, effectivement, il faut bien regarder. Parce qu'il dit qu'il a facturé une heure, etc., de main-d'œuvre. Donc, effectivement, il doit justifier ce qu'il a fait. C'est tout. Allez, on va se retrouver dans une seconde avec encore d'autres cas. 3210, touche numéro 2, puis encore touche numéro 2. Et vous arrivez sur le standard jeu où vous aurez donné la bonne réponse pour gagner un voyage à l'île Maurice, Sofitel Corsair. Il y a aussi le SMS, vous n'oubliez pas, le SMS RTL 74-900. Waouh, quelle émission! 10h22, vous êtes sur RTL. Peut-être du nouveau sur la banque après ceci. Stéphane Bern sur RTL. À la bonne heure. Et ce matin, ce sont Bérénice Béjot et Stéphane de Groot qui nous rejoignent dans la bonne heure pour parler de tout ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez, c'est le nom de leur pièce. C'est à 11h sur RTL, alors à tout à l'heure. Martin, il a quel âge ton papa? 55%. Oh, la chance! Et le tien? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Hey, mais t'es Stéphane Plaza, le monsieur de la télé. Viens voir, mon papa il a installé un abri de piscine rideau. Mais t'as vraiment de la chance toi, comme ça tu peux te baigner plus souvent et en toute sécurité. Abri de piscine rideau pense à tout. Et en ce moment Stéphane, abri de piscine rideau offre 1000 euros de mobilier et de décoration. Modalité en espace conseil et sur abri-de-piscine-rideau.com. Allez hop hop hop, touchez abri de piscine rideau. Si je te dis un coq, une poule et un vin, tu penses à quoi? La vieille ferme. Si je te dis rosé, blanc et rouge, tu penses à quoi? La vieille ferme, bien sûr. Bon, et si je te dis un vin issu d'une région paisible et ensoleillée du sud de la vallée du Rhône depuis plus de 40 ans, tu penses à quoi? Eh ben, la vieille ferme, peu chère. Retrouvez dès aujourd'hui le coq et la poule de la vieille ferme chez votre caviste. La vieille ferme, le plus français des vins. Cocorico! Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Découvrez une nouvelle enquête de l'inspecteur Higgins, la malédiction de Toutankhamon. L'inspecteur Higgins de Christian Jacques, un personnage irrésistible au cœur de Scotland Yard. Une série palpitante, J-Edition XO. XO, lire pour le plaisir. Vous Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous avons trois cas. Bon, celui-ci, le dernier, la plomberie, maintenant il faut attendre la réponse. Nous avons toujours le cas de la banque et Marcel, dont la banque a fait disparaître 200 euros. Tout le monde est d'accord pour dire que les 200 euros ont disparu, mais personne n'est capable de dire quand est-ce qu'on va lui remettre. Où en est-on, s'il vous plaît, Bernard Sabat? Écoutez, Marion, du service presse de nos amis de la BNP, nous a promis de nous appeler avant 11h, ou sinon, cet après-midi, elle appelle ça. Écoutez, moi j'espère vraiment, s'il nous écoute, la BNP aussi, qui rappelle, c'est 200 euros, quoi. Il n'y a pas à tergiverser. On voit tout de suite si ces 200 euros, il les a retirés ou pas. Il ne les a pas retirés, tout le monde le sait. On lui remet. Il ne faut pas attendre de 200 réunions et avoir peut-être l'avis du directeur général pour remettre 200 euros. On a tweeté, mais on n'a pas de retour pour l'instant. Bon, écoutez, j'espère vraiment que la BNP, sinon on ira à Roland-Garros, hein, puisque la BNP... Mais non, mais c'est vrai, s'il faut les réclamer, les 200 euros, voilà, ça fait... 200 euros, c'est deux repas le midi à Roland-Garros, dans la loge. Eh bien, ça fait deux repas en moins, vous le remettez à Marcel, et puis on n'en parle plus. J'espère vraiment que ça sera fait très rapidement. En tout cas, on y reviendra demain si ce n'est pas le cas. Donc Marcel, vous allez pouvoir aller vous boire un petit café ? J'en ai plus, hein. Oh bah... Ah bon, Marcel, vous inquiétez pas, on va aller jusqu'au bout. Mais merci de nous avoir rappelé, parce que quand on dit qu'on veut être le miroir de ce que vivent les consommateurs au quotidien, c'est juste de la folie, ça. Parce qu'imaginez que vous ayez 200 euros de découvert, je peux vous dire que il serait beaucoup moins patient. Donc j'espère que la BNP, c'est une erreur qui peut arriver à n'importe quelle banque, mais va nous montrer que dans ces cas-là, ils respectent le client. Sinon, c'est la plus croire en rien, quoi. J'attends du nouveau. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait Marc, le véhicule, lui, il attend de nos nouvelles, mais j'ai aussi des retours très importants. Apparemment, on aurait peut-être Geneviève de Fontenay dans quelques instants sur RTL. On va pas la prendre tout de suite, parce qu'on est en train de la contacter. Vous savez, Geneviève de Fontenay, on se bat pour qu'elle puisse... Et elle ne parle pas que pour elle, elle parle aussi pour un voisin. D'ailleurs, le pauvre est décédé, mais d'autres voisins qui ne peuvent plus marcher ou très mal, et on les oblige à monter une longue côte alors qu'ils demandent juste un petit bip pour pouvoir mettre la voiture, déposer les courses, monter chez eux et ressortir la voiture. Ils veulent pas qu'elle reste gardée et que les ambulances, en cas d'urgence, puissent monter, puisque là, c'est fermé avec un cadenas. Eh bien, hier, on a remis ça sur le tapis, puisqu'on a décidé qu'on allait le remettre quasiment tous les jours. Et on lui aurait fait une espèce de drôle de proposition. Et voilà, j'en sais pas plus, hein, ça vient d'arriver. On va entendre ça par la voix de Geneviève dans une seconde sur RTL. Oh. On va entendre ça sur RTL. On remarque une petite page de pub. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. En France, nous avons fait une place dans notre vie à 63 millions d'animaux domestiques. Peut-on aimer un animal autant qu'un être humain ? L'affection n'a pas de frontières cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies ? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Les Vérandas Rénoval vous offrent une isolation thermique et acoustique exceptionnelle. Agrandissez votre maison avec une Véranda Rénoval, où plaisir et confort sont votre priorité. Du 19 septembre au 8 octobre, jusqu'à 3000 euros offerts sur les 100 premières vérandas chez Rénoval ou sur rénoval.com. Rénoval, la véranda attitude. Le mois Carrefour ! Waouh ! Le mois Carrefour continue et il y a encore plein de nouvelles promos complètement renversantes ! Et aujourd'hui, par exemple, pour l'achat d'un lot de café moulu carte noire, on bénéficie de 80% de son prix en bon d'achat. Allez, viens, on y va ! Oh, sensation forte garantie ! Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'à vendredi, retrouvez chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. Lot de 3 paquets de 250 grammes dans la limite des stocks disponibles. Produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors, nous avons Geneviève de Fontenay qui est en ligne. Geneviève, vous m'entendez ? Ah oui, Julien. Alors justement, je crois que j'ai ma bonne étoile sur ma tête parce que j'ai reçu à 9h49 aujourd'hui un mail de représentants de Nexity qui mettent « Nous avons bien noté que vous n'envisagiez pas de changer d'appartement au sein de la résidence au bénéfice d'un accès direct au parking. » Ça fait qu'elle avoue là-dedans que nous, justement, on n'a pas d'accès direct et qu'on est obligé de monter la côte pour venir chez nous. Bon, alors, je vais le lire. Il y a bien marqué ce que vous avez dit « Nous avons bien noté que vous n'envisagiez pas de changer d'appartement au sein de la résidence. » Ça veut dire qu'ils vous ont proposé un autre appartement, en fait. Oui, c'est ça. Mais vous, ça fait combien de temps que vous vivez là-bas ? Ben, ça fait 30 ans. Voilà, vous n'avez pas envie de quitter votre appartement. Bien sûr. C'est mon nid, c'est mon nid, j'espère mourir là. Ah non, j'avais écoutez, même proposé à mon fils, quand de mourir ici aussi. De l'acheter pour ma petite fille Adèle. Ah. Alors, vous vous rendez compte que j'ai changé comme ça, tout d'un coup, allez, vous changez. La bonne nouvelle, c'est qu'ils mettent, ainsi que nous vous l'avons précisé, le conseil syndical restait fermé à notre proposition d'aménagement de l'accès par un portail automatique ou bien même par l'installation d'une interphonie ou un autre système équivalent. Nous allons donc inscrire cette résolution à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra au printemps 2017. Ah. Alors, tout est résumé. Hier, nous avons eu les propriétaires, pas de l'immeuble, une partie de l'immeuble en tout cas, et nous avons bien dit aux gens du RSI, du RSI, nous leur avons bien dit, soyez sympas, faites une assemblée extraordinaire, parce que là, ils parlent d'une assemblée au printemps. Oui, on va encore attendre un an. Je m'adresse au RSI, soyez sympas, voilà, vous ne saviez pas, je pense, qu'ils ont envoyé ce mail, mais on ne va pas attendre le printemps et reculer encore de 6 mois. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose d'exceptionnel. Maître Fellonneau. Oui, je rappelle quand même que lorsque l'on provoque une assemblée générale extraordinaire, ce qui serait le droit tout à fait de Geneviève, les frais lui incomberaient, puisque c'est un problème qui ou incomberait à ceux qui le réclameraient avec elle. Donc effectivement, l'Assemblée Générale ordinaire, elle se tient pratiquement tous les printemps, c'est assez régulier. Et là, on provoquait une autre, ce sont des frais. Donc il faut payer à ce moment-là. Et c'est, on rappelle, ça, vous êtes consciente de ça, Geneviève? Payer, évidemment, qu'on paiera, évidemment. De toute façon, moi je parle au nom de tous les locataires, on est solidaires. Exactement, façon, et ben voilà. On les partage. Alors c'est très bien. On rappelle à tous ces gens-là que si un jour il y a un couac, parce qu'une ambulance n'a pas pu venir parce que quelqu'un est tombé dans l'allée, parce que si, parce que là, ils auront été prévenus à peu près 20 fois. Il y a une dame qui attend un bébé dans 2 mois, elle a du mal à monter cette côte. En plus, un autre petit garçon, elle est obligée de pousser la poussette. Donc ça veut dire que cette dame, quand elle sera enceinte de 8 mois et demi, elle va devoir, et qu'elle va avoir son petit pack de lait et son autre bébé, monter toute seule, elle ne peut pas se faire déposer devant la voiture. Exactement. D'accord. Bon. Et bien voilà, ils le savent. Donc il y a Pauline Garnier du service immobilier aux entreprises, qui elle travaille chez qui d'ailleurs? Chez Nexity. Il y a nos amis du RSI qui nous ont dit, voilà, tout le monde est mobilisé, mais ça bloque toujours pour une personne qui fait quand même, Geneviève, il faut quand même être honnête, son boulot, c'est Monsieur Dauphine. Parce que Monsieur Dauphine, il dit, moi, tant qu'il n'y a pas eu un vote de l'Assemblée, Monsieur Dauphine, qui, rappelons-le, est le Sarah... Le président du conseil syndical. Ouais. Sarah, voilà, exactement. Alors non, Geneviève, justement, non, malheureusement, j'ai essayé, Geneviève, justement, pour tenir ma promesse. Hier, je l'ai appelé 2-3 fois. Je lui ai essayé autant de messages pour avoir une conversation, lui parler de l'urgence dont il a, je pense, quand même connaissance. Malheureusement, il n'a jamais donné suite à mes appels. J'ai encore écouté mon répondeur. Non, vraiment, il n'y a rien. Tout contact, il est bordé. C'est dommage. Bon, écoutez, on lui relance un appel, Monsieur Thierry Dauphine, soyez sympa, mais là, je m'adresse à Nexity et aux autres, faisons cette assemblée très rapidement. Et ça serait bien d'ailleurs que vous nous donniez les coordonnées de cette future maman, si elle veut bien nous expliquer comment elle fait enceinte pour monter cette côte, alors que son mari pourrait la déposer devant, etc. Bref, on continue, Geneviève, on se tient au courant, on remet ça lundi, vous êtes d'accord? Je sais qu'on ira jusqu'au bout, Julien, jusqu'au bout, je sais bien. Je vais vous faire un gros bisou, Geneviève. Moi aussi, merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée à vous, merci. Allez, nous faisons un rapide point info pour ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que ça bouge dans tous les sens, c'est parti. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Marcel et la société, et la BNP. Marcel et la BNP qui lui doit 200 euros. Toujours aucune nouvelle pour l'instant. Je ne suis pas inquiet. Marion a l'air très efficace. Donc à la BNP, nous a promis avant 11h, on va lui laisser encore un petit peu de temps. Merci Marion, je compte sur vous. Roger le plombier, on attend que notre auditrice ait reçu sa lettre recommandée pour réintervenir. Et nous allons attaquer maintenant le cas de Marc. On va le retrouver dans une seconde. Il a patienté et son véhicule neuf à 30 000 euros. Après avoir écouté Mark Robson et Bruno Mars sur RTL pour le Uptown Funk. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night. your hallelujah. Ooh. Girl, sit your hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh. Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Toutes les musiques sont sur RTL, c'est le feu, comme ça le sera j'espère, puisque je démarre un tout nouveau one-man show 100% inédit. On va partir en rodage, hein, tester un peu les textes dans des toutes petites salles où c'est bien parce qu'on est vraiment les uns sur les autres. Et donc c'est très, y a beaucoup de proximité. On démarre à Toulouse, au 3T, Petit Café Théâtre, 13, 14, 15 janvier. On enchaîne Versailles, La Factory, 20, 21, 22 janvier. On ira à Moret-sur-Loing, 27 et 28 janvier. Réservation sur place, Marc est en ligne. Marc, c'est à vous, bonne nouvelle, vous me laissez une dernière. Petite pause et c'est parti pour votre voiture. N'oubliez pas le voyage. L'île Maurice, c'est vraiment les dernières minutes. Vous partez, je le rappelle, à deux. Et vous partez à l'île Maurice. Compagnie Corsair. Hôtel Sofitel Mauritius. 4 nuits là-bas, 4 jours. Paradisiaque. Alors vite, 3210, touche numéro 2, puis numéro 2, encore une fois. RTL au 74 900. Bon voyage. À tout de suite pour la voiture. Vous êtes artisan ou conjoint d'artisan? Du 1er au 14 octobre, vous élirez vos représentants à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Votez pour les candidats de l'UPA. Ils défendront à 100% les intérêts de votre entreprise. Retrouvez-nous sur upa.fr. L'artisanat, c'est nous. Votez UPA. Oliver Twist le musical. Une création française dans la pure tradition de Broadway, avec 21 artistes et musiciens. Dirigé par Ladislas Chola, le metteur en scène de Résiste. Il sera tellement fier, mon père. Oliver Twist, musical, à partir du 23 septembre à la Salle Gaveau, Paris 8e, avec RTL et France 2. Quand on est propriétaire de fenêtres, on cherche le meilleur prestataire de fenêtres. Et on trouve son bonheur sur terre de fenêtres. Prix fabricant, garantie 20 ans, pose certifiée. Pour ses portes, fenêtres, volets ou portails, forcément, on choisit la qualité Terre de Fenêtres. Terre de Fenêtres, le choix qui va de soi. RTL présente Persona étrangement humain au musée du Quai Branly. À l'heure des grands débats sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle, plongez aux frontières du réel avec l'exposition Persona étrangement humain au musée du Quai Branly. Art premier, art contemporain, robotique, humanoïde ou encore produits high-tech, vivez une expérience inédite et fascinante pour comprendre les objets qui nous ressemblent. L'exposition Persona étrangement humain jusqu'au 13 novembre au musée du Quai Branly avec RTL. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Avec Marc qui est en ligne avec nous. Allez Marc, on y va, c'est parti, c'est à vous. Il a suffisamment patienté Marc dans le 9h30, 11h RTL. Il a acheté un véhicule neuf, 30 000 euros. Quelle était cette belle voiture Marc? Une Ford Mondeo. Et au bout de 3 mois à peine, la couleur beige des sièges avant s'enlevait. C'est-à-dire que ça devenait de plus en plus pâle, ça décolorait, expliquez-moi. Oui. Exactement, c'est ça. La problématique, c'est que la couleur du siège s'enlevait, tout simplement. Et donc, au bout de 3 mois, évidemment que ce n'est pas normal. La concession a changé le siège conducteur. Mais pour le siège côté passager, rien ne bouge. C'est-à-dire qu'il se passe la même chose sur les deux sièges et il ne vous en change qu'un. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, le problème se passe aussi sur la banquette arrière. Bon. Ah oui, donc il y a vraiment un problème sur cet échantillon de tissu, parce que ça doit être du tissu au mètre qu'il commande, et là, il doit y avoir un lot qui, à mon avis, est pas bien. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur dites « Mais pourquoi vous me changez que celui-là alors que les trois sont abîmés ?» Alors, à ce jour, ils ne savent pas. Ils ont mis mon dossier en attente. Bon. Donc, à chaque révision, je leur en parle. Vous envoyez un peu de courrier recommandé, Marc, pour sceller alors, l'affaire ? Non, je n'avais pas voulu être procédurier, mais maintenant, ça fait bientôt un an, puisque j'ai acquis le véhicule le 12 octobre. Et ça commence à être pénible. Alors, vous savez, je pense, je vais donner la parole à Maître Felono. Il ne faut pas avoir peur d'envoyer du lettre recommandée en se disant ça va vexer la partie. On peut être très très gentil. Cher monsieur Ford, merci pour l'accueil extraordinaire que vous m'avez réservé. Je suis ravi de travailler avec vous. Néanmoins, pouvez-vous me dire où on en est pour ce siège ? Juste pour dire que ça a été acté. Parce qu'après, qui prouve que vous aviez dit que le deuxième siège est décoloré ? Maître Felonio. Bon, écoutez, l'obligation de conformité, là, elle s'applique plein pot. Effectivement, il y a un phénomène qui démontre bien qu'il y a un défaut qui affecte ce véhicule, enfin les sièges du véhicule. Bon, ils ont changé une fois, ils doivent tout changer. C'est très désagréable, je le conçois. Mais enfin, c'est dû. Donc, on ne va pas tourner autour du pot, Julien. Il faut absolument les appeler pour leur rappeler leur devoir. Voilà. Eh bien, nous appelons tout de suite à qui ai-je l'honneur. Oui, Bernard, c'est pour moi. Ou Hervé. Allez, c'est Hervé Pouchol qui va maintenant nous aider à téléphoner. Grande marque, heureusement. Bonjour. On n'est pas, voilà. Bienvenue dans votre concession Ford Paro Automotive. Le problème, c'est que je sais ce qui se passe dans ces cas-là. Ils vous changent un truc, après ils disent « Oh là là, il en veut toujours plus ». Mais c'est pas qu'il en veut toujours plus, ce client, c'est que c'est la vérité. Et ça prouve bien, d'ailleurs, heureusement, qu'il y a un problème sur le tissu, parce qu'on pourrait dire c'est vous qui avez mis un pantalon, du produit, etc. Mais le fait que ça soit tous les sièges prouve bien qu'il y a un souci avec le tissu. Alors, nous appelons votre concession. Oui. Paro Automotive Laurence, bonjour. Bonjour, madame. Je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec un de vos clients qui a un petit souci avec le tissu de ses sièges. Apparemment, il nous dit que ça ne bouge pas beaucoup. On s'est dit, on va les appeler, on va essayer de voir comment on peut arranger ça entre grands professionnels, surtout vous. Est-ce que vous pourriez me passer le responsable de la concession ou quelqu'un ? Le client, c'est monsieur Marc Duclerc. Monsieur Duclerc, oui. Le responsable de la concession n'est pas là aujourd'hui. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Alors, c'est un dossier qui est suivi par notre chef d'atelier qui est en congé en ce moment. D'accord. Nous avions invité Monsieur Duclerc à repasser pour qu'on voit un petit peu l'état des sièges, mais il n'est pas revu. Alors, Monsieur Duclerc, vous qui êtes en ligne avec moi, il paraît qu'il vous avait dit repasser qu'on voit les deux autres sièges. Parce que vous en avez changé un, madame. Hein, et puis maintenant, c'est sur le passager derrière. C'est très simple. Je suis passé il y a 15 jours pour la révision des 60 000 du véhicule. Ah. Et on a reconstaté à nouveau les problèmes qui se sont aggravés sur le siège passager qui n'a pas été changé, et ainsi que la banquette arrière. Et Monsieur Ducot a fait des photos. Donc, moi, je suis la procédure. Qui est Monsieur Ducot ? On me demande. Le responsable atelier. Voilà. Donc, il est passé il y a 15 jours, madame, et vous ne le saviez peut-être pas. Et Monsieur Ducot a fait des photos. Oui, et Monsieur Ducot est en congé, c'est ce que je vous disais. Donc, peut-être qu'il a fait non, c'est pas ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, on a invité ce monsieur à venir, on n'a pas de nouvelles. Et je vous dis juste si vous avez des nouvelles, puisqu'il est passé il y a 15 jours et Monsieur Ducot a fait des photos. Maintenant qu'il soit en congé, là, on est d'accord là-dessus. Donc, il n'y a personne aujourd'hui chez Ford, à votre niveau, qui peut nous aider. Malheureusement, je peux vous passer le chef d'atelier qui le remplace, mais je ne suis pas sûre qu'il soit au courant du dossier. Bon, alors. Alors, je l'ai eu au téléphone semaine dernière, oui, le remplaçant, qui lui me dit que le dossier a été clôturé car il ne le trouvait pas. Vous voyez, c'est un peu le bazar. C'est pour ça qu'on se permettait de vous appeler pour remettre un peu de lumière. Est-ce que vous pouvez envoyer un petit texto au patron de la concession ? Oui, si vous voulez, oui, je peux faire ça. Voilà, en lui disant qu'on est quand même sur RTL ce matin en direct, ça l'intéressera peut-être de pouvoir intervenir vite et de montrer ô combien sa concession Ford tourne droit. Envoyez-lui un petit texto, je vous donne le numéro du studio, comme ça il nous rappelle très vite. Maître Felono. Oui, d'autant plus, madame, c'est pas la première fois qu'on a un problème de siège. La dernière fois, c'était un siège décousu. C'est très difficile, on le sait, d'obtenir des sièges de remplacement. Donc nous, ce que l'on voudrait, c'est juste savoir si vous avez fait remonter l'information. Information, si on peut contacter Monsieur Pétel, qui est au siège à Brive et qui est le grand directeur. Ah, pourquoi ? Parce que... Alors, mais vous l'avez acheté où ? Quelle est la différence entre Brive ? Pourquoi Brive et Nanterre ? Parce que le grand directeur, lui, est à Brive. Le siège est à Brive ? Exactement. Ah, je ne savais pas. Ah ben, on y va alors. On va essayer de l'avoir. Madame, de votre côté, vous envoyez un petit texto, vous ? Je pense qu'il s'agit du siège régional. Mais oui, mais alors le siège régional, il l'a acheté à Nanterre. Pourquoi le siège régional est à Brive ? Je crois que ça a été acheté à Bordeaux. Voilà, la concession de Langon, mais le siège régional. Je sais pas, j'avais compris. C'est moi qui me suis trompé. Voilà. Le service client est à Nanterre. Voilà. Donc, vous l'avez acheté, vous dites à Langon, à Bordeaux. Oui. Près de Bordeaux, voilà. Et ça dépend de Brive. Génial. Alors, et on appelle Brive. Et vous avez raison, le siège de Ford France est à Nanterre. Donc là, c'est à Nanterre, oui. La fameuse Brive-la-Gaillarde. Allô, Brive. Allô, Brive. Oui, bonjour, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL, ce n'est pas une blague. Est-ce que monsieur Pétel est là, s'il vous plaît? Ne quittez pas. Merci. Allez, super. Petite pause dès que monsieur Pétel est là. Vous me faites une alerte. Gap Automotive à Brive. Allez, on va la voir. À tout de suite sur l'antenne RTL, ça va bouger. C'est le dernier quart d'heure, c'est le Money Time. Le Money Time, c'est le moment où tout le monde nous rappelle et on essaie de régler tous les problèmes. Attention, tout se joue maintenant. C'est le Money Time. Dans le 9h30-11h sur RTL. Et le Money Time, c'est aussi pour vous, pour le Sofitel Mauritius Resort and Spa. Je le rappelle pour la dernière fois. 5 nuits là-bas, avec Corsair, avec Sofitel. L'île Maurice à deux, le paradis. Eh oui, c'est ce que vous ferez quand vous verrez la plage. Et quand vous verrez votre mari, vous ferez... elle le fait pas. Je pensais qu'il y aurait dehors. Mais voyez, pour votre mari, vous faites rien. À tout de suite sur RTL. La protection de l'environnement est un combat qu'on a envie de mener avec vous. Alors, chez Intermarché, nous avons décidé de distribuer gratuitement 10 ampoules LED à ceux qui en ont le plus besoin. Rendez-vous sur intermarché.com pour bénéficier de ces 10 ampoules LED gratuites. C'est tous unis qu'on arrivera à réduire notre consommation d'énergie. Intermarché, tous unis contre la vie chère et pour la planète. Modalité sur intermarché.com. Au fait, chérie, j'ai raflé la portière de ta voiture. Quoi? Mais... ah, sinon, goûte-moi cette nouvelle tablette pure origine Équateur de chez Réauté Chocolat. Après tout, c'est qu'une portière, hein? Découvrez-vous aussi l'effet Réauté Chocolat avec une nouvelle gamme de tablettes à partir de 2,95€. Réauté Chocolat, fabricant chocolatier. Pour votre santé, bougez plus. Le cri, c'est le terrifiant thriller de Nicolas Beugler. Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. Un patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement muet. C'est le début d'une gigantesque enquête criminelle et ce mystère angoissant. A-t-on fait de la peur une arme de mort? Le cri de Nicolas Beugler, un livre XO. Depuis des mois, vous attendez cette série. Elle vous obsède. Vous donneriez tout pour la voir. Alors réjouissez-vous. Les séries limitées MyCanal sont au programme dans tout le réseau Seat. Seat Ibiza et Seat Leon MyCanal. Des Seat suréquipés avec GPS et caméra de recul à partir de 159€ par mois. Pour une Seat Ibiza MyCanal, location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€, suivi de 36 loyers de 159€ sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre valable jusqu'au 30 septembre, conditions sur seat.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Hervé, je crois que vous avez réussi à avoir quelqu'un chez Ford, ça bouge. Le directeur général de la concession régionale, Monsieur Pétel, est en ligne. Monsieur Pétel, soyez le bienvenu en direct sur RTL. Oui. Monsieur Pétel, je me permets de vous déranger. Julien Courbet qui vous parle, un nouveau client de la concession de Langon. Un petit souci avec des sièges. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, un problème sur le tissu, sur ce lot-là de voitures. Le siège conducteur a complètement décoloré. Vous lui avez changé, parce que vous êtes des pros. Le problème, c'est que le siège passager et la banquette arrière, ce qui prouve bien que ce n'est pas une mauvaise utilisation, sont en train de complètement décolorer de la même façon. Et autant la concession lui a changé le siège, autant maintenant sur le passager et la banquette arrière, il se passe rien. Et la voiture est sous garantie, il fait confiance à la marque, il l'a achetée neuve, et il voudrait que ça bouge un peu, et on lui dit non, vous en a changé un, maintenant c'est bon. Apparemment, je schématise un peu, pour le passager, la banquette arrière, le dossier est clos, c'est ce que lui aurait dit un chef d'atelier. Oui, alors c'est possible, parce que, si vous voulez, sur des matériaux comme le cuir... il peut y avoir un produit de nettoyage qui entraîne un siège qui s'abîme. Bien sûr. En fait. Mais ça, vous avez la preuve qu'il a pris un produit de nettoyage? Non, on n'a pas de preuve à l'heure où je vous parle. Oui. Et on n'a pas d'autres cas aujourd'hui de sièges qui soient détériorés de cette manière-là, sans l'utiliser finalement. Puis-je, monsieur, me permettre, on est dans un débat contradictoire et tout va bien. Mais monsieur, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres cas que ça ne s'est pas produit pour lui. Soit vous lui dites, monsieur, vous avez passé du produit, on ne vous change rien. Soit il n'a pas passé de produit et on lui change tout. Donc c'est à vous maintenant de lui prouver par A plus B, faites une expertise si vous le voulez, qu'il a mis un produit. Mais s'il n'en a pas, il faut que vous le changiez. Il y a deux solutions. Alors moi, je vais vous dire comment ça fonctionne. Nous, on est là pour être au service de nos clients, et donc si on a tout intérêt à ce que nos clients soient satisfaits, donc si vous voulez, moi j'ai pas de débat par rapport au fait de si Ford France sort un produit, nous on assure la maintenance et le service garanti pour ce produit. Si la garantie est acceptée par Ford France, nous on prend en charge parce que nous on n'est pas. Mais est-ce que vous l'avez demandé la garantie à Ford France? Alors il y a eu une première demande qui a été faite. Je ne veux pas vous répondre sur la deuxième parce que je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Je ne suis pas sur le site de Langon. Je vais m'assurer que cette demande a été faite pour Ford. Et si la demande est acceptée par Ford, nous, bien entendu, on s'y opposera pas. D'accord. Si Ford venait s'opposer en disant c'est un mauvais traitement du cuir qui a entraîné cette détérioration, le client peut faire une demande d'expertise qui va valider ou donner tort au constructeur. Mais est-ce que quelqu'un est venu voir ses sièges déjà? Oui, notre chef d'atelier a vu ses sièges. Mais c'est Ford France. Non, mais comment Ford France va faire? On représente Ford France. Ford France n'avait pas à se déplacer pour ça. Alors donc c'est vous. On est bien d'accord. Donc je reviens au début du débat. C'est vous qui décidez. Qu'il a mis un produit ou pas? Parce que vous me dites, je vais demander à Ford France. Oui, et vous mais me dites, on envoie des photos. D'accord. Si vous alors, les photos. Est-ce que vous avez des photos, vous, Marc? Oui, oui, tout à fait. Alors, on va les mettre sur Internet, comme ça, nous, on a 1 400 000 spécialistes qui vont pouvoir regarder. Pardon? À deux reprises, avec M. Ducos, nous avons fait des photos, parce que même la housse de siège, le siège à conducteur qui a été changé, est à nouveau endommagé. Et M. Ducos m'a dit. La nouvelle housse est à nouveau endommagée? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Alors dans ce cas-là, monsieur, nous on n'a pas. Vous savez, nous on est au service de nos clients. Donc, si vous avez à nouveau le problème sur le siège, effectivement, c'est qu'il y aurait un défaut produit à vérifier. Parce que moi, je l'ai pas vu. Hein, j'écoute ce que vous me dites. Non, mais ce que je crois, c'est qu'il faut revenir prendre rendez-vous avec notre chef d'atelier, monsieur Ducos. Mais je suis venu il y a 15 jours. Monsieur, il est venu il y a 15 jours et monsieur Ducos a pris des photos, il a regardé, il a dit ok et il n'a plus de nouvelles. Peut-être qu'on n'a pas eu de réponse. Dans ce cas-là, on n'a peut-être pas eu de réponse encore. Au bout de 15 jours. Problème de couleur. Ça peut arriver, monsieur. Bon, alors écoutez, on va appeler Ford France ensemble. Enfin, pas ensemble, on va les appeler. Non, moi je vais vous laisser, monsieur, parce que j'ai d'autres rendez-vous. D'accord. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que nous, on ne fera aucune obstruction à la prise en charge de ces sièges. Oui, mais c'est long, monsieur, je trouve, honnêtement. Oui, ça peut arriver que ça soit long, mais c'est pas un phénomène qui est courant. Heureusement, imaginez que ça soit tous les jours quelqu'un qui vient avec des sièges qui décollent. Vous avez un défaut sur un véhicule qui est avéré, qui est évident, ça va vite. Bon. Là, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. D'accord. Et donc, qui peut demander un petit peu de temps. Ça marche. On excuse auprès de notre client, mais en tout cas, il n'y aura pas volonté de blocage pour notre client. Ok, je vous remercie, monsieur. Bon. Bonne journée, au revoir. Allez, on va appeler Ford France si vous le voulez bien, parce que là, encore une fois, soit on amène la preuve qu'il a utilisé le produit Maître Felono, soit on ne l'amène pas, et dans ce cas, il pourra faire un procès, Marc. Mais c'est dommage. Oui, Marc. J'ai contacté Ford de France. Qui m'ont dit que c'est à la concession d'assumer. Eh bien, ils vont nous le dire. Moi, je veux qu'ils me disent sur l'antenne. Donc, vous me trouvez un rendez-vous pour demain matin, pour Ford France. Demain matin, 9h30, Ford France va nous dire comment ça se passe quand un client dit j'ai les sièges qui décolorent. Est-ce que c'est au local ou pas au local? Parce que le local nous dit il faut voir Ford France. Si Ford France nous dit il faut voir le local, on va tourner en rond pendant des heures. Allez, très rapidement, Maître Felono. Écoutez, dans ce dossier, il y a un problème de charge de la preuve, Julien, puisque, effectivement, on a l'air de dire qu'il y a un défaut d'entretien et d'utilisation. Moi, je suis désolée, c'est apparu très rapidement, au bout de 3 mois, c'est le même phénomène. Et donc, la charge de la preuve, elle incombe aux vendeurs. Donc, c'est pas à Marc de faire des expertises, etc. C'est à eux de dire quel produit a été utilisé. Encore une fois, et pourquoi ça se décolle. On n'est pas là pour embêter les gens, on est là pour trouver des solutions. Mais on ne peut pas accepter, c'est comme ce problème d'assurance qu'on a eu il y a très longtemps, où une maison avait flambé, l'assureur ne remboursait pas. Et quand on appelle l'assureur, il nous dit « Ah, mais le feu est très bizarre ». Alors on demande à l'assureur, est-ce qu'il a mis le feu lui-même ou pas? Non, ça on peut pas le prouver, donc vous le remboursez. Eh ben non, pourquoi? Parce que c'est quand même bizarre. Est-ce que vous avez la preuve qu'il a mis le feu? Aucune. Alors vous le remboursez? Ben non. Et ça c'est pas possible, ce n'est juste pas possible. Demain, Ford France, Hervé Pouchol, je compte sur vous. Oui, je voudrais que l'on... Le directeur du service client est déjà sur le coup. D'accord, merci beaucoup. En parlant de coup, vous y êtes souvent vous aussi, donc ça tombe bien. Nous allons maintenant redonner la parole à Salima. Salima, pardon, je suis un peu enroué. Salima, sa maison a pris feu samedi 10 septembre. L'assurance était Swiss Life et elle attendait de savoir si l'assurance qu'il a relogé 3 jours allait payer le loyer d'un nouvel appartement puisqu'elle paie un crédit de la maison en feu. Et si elle n'a pas le loyer payé dans son contrat, elle ne peut plus se reloger puisqu'elle ne peut pas payer les deux. Est-ce que l'on a du nouveau? Est-ce qu'elle est en ligne? Sarah, vous nous aviez fait un point. Est-ce qu'on a du nouveau? Oui, nous avons du nouveau. Bonjour Salima. Effectivement, hier, j'ai eu les services de communication de cette assurance, ainsi que la personne chargée du dossier de Salima, qui m'ont bien confirmé, évidemment, que les loyers étaient pris en charge. Il n'y a pas de souci, ils ont déjà fait leur calcul. Salima est en ligne? Elle est en ligne. Oui, je suis là. Vous m'entendez, Salima? Donc les loyers seront payés, Salima? C'est ce qu'il semble dire, d'accord ? Donc vous pouvez dormir tranquille avec votre famille et vos trois enfants. D'accord, super. On se tient au courant, Sarah va vous donner tous les détails hors antenne. Merci Swiss Life de nous avoir répondu aussi vite. Mais c'est vrai qu'elle avait besoin de savoir, hein, parce qu'elle s'est dit, comment je fais ? Moi, je paie un loyer, je paie un crédit, c'est pas possible. Voilà, on est content pour elle. Tous les détails seront donnés à Salima hors antenne. Merci Sarah. Là, attention, nous allons faire un heureux, une heureuse, parce que c'est le moment de partir à l'île Maurice. Merci Corsair de bien faire voyager les auditeurs d'RTL. Merci Sofitel de les accueillir dans un hôtel de luxe. Merci Dieu d'avoir créé cette plage. Merci le restaurant, la cuisine asiatique, les 5 restaurants de l'hôtel. C'est parti, nous allons maintenant faire sonner le téléphone. Je ne sais pas qui va répondre. Nous allons le savoir dans quelques instants. Nous sommes actuellement en direct sur Facebook en images. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour ? Bonjour ! On t'attend sur la plage pour manger les acras. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est si pas vrai. Et les cocktails. Oh, et c'est tout. C'est pas vrai. Madame Iliesco, Saint de l'Essonne, je vous annonce que vous allez partir avec l'homme de votre vie à l'île Maurice dans un Sofitel. Vous voyagerez avec Corsair. Fabuleux, je fête mes 10 ans de mariage. Demain, je savais pas quoi lui offrir. Ah, bah il peut pas y avoir que des bonnes nouvelles. C'est super. C'est génial. C'est génial. Il le sait, votre mari ? Que vous jouez ? Non, il le sait pas. Non, mais c'est... Vous allez lui annoncer ça ce soir. C'est fantastique. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je vends du matériel chirurgical dans les hôpitaux. Eh bien, ma chère Inès, quel voyage extraordinaire. Vous allez vous régaler là-bas. C'est le luxe du luxe. Hein. J'espère que vous nous enverrez une petite carte. Ah, oh bah, avec plaisir, bien sûr. Je vous fais. C'est clair, c'est génial. Énorme je tremble comme c'est pas terrible. Ah, bah là-bas, vous aurez chaud, hein. Donc, ça va vous faire un choc plus, thermique. L'hôtel est fabuleux, je suis allée le voir sur Internet. Vous voyez comment sont les auditeurs. Vous leur faites gagner un cadeau. Eh ben, ce qu'ils font, ils se disent, on va quand même aller voir sur Internet s'il est si bien que ça, son cadeau. Et elle a été voir, et elle a vu. Il est magique, hein. Vous avez vu ça? Vous avez vu la photo de l'hôtel sur Internet? Oui. Et oui. Juste à côté, vous avez vu le petit conteneur. Vous serez là, ça va être top. C'est pas grave, ça c'est pour ça les auditeurs. Le conteneur, il a l'air bien. Ah, vous allez vous régaler, je suis tellement content pour vous. Je vous fais un gros bisou, Inès. Je vous remercie, merci à toutes les filles, merci à tout le monde. Il faut dire merci à elle, mais il faut dire merci tonton Georges. Pourquoi ? Parce que c'est tonton Georges qui nous offre les cadeaux, il est là dans le studio, c'est lui qui vient avec les cadeaux chaque jour. Génial, génial. Merci tonton Georges, merci. Allez, gros bisous Inès, amusez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies ? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur conforama.fr. Cathy va tester à l'aveugle des biscottes. Les biscottes Heudebert à 2,86€ le kilo, puis les biscottes Lidl à 1,94€ le kilo. Cathy ? J'aime. Et ? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscottes Heudebert non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Biscottes Heudebert 2,37€ les 830 grammes. Biscottes Lidl 1,55€ les 800 grammes. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour, c'est Elisabeth Martichoux. En mai prochain, nous élirons le futur président de la République. Pour éclairer votre choix dans une compétition qui s'annonce hors norme, je recevrai chaque matin un invité politique à 7h45 sur RTL. Dans une société française sous tension, nous prendrons le temps de poser toutes les questions pour obtenir toutes les réponses que vous attendez. Rendez-vous dès demain matin avec Yves Calvi sur RTL à 7h45. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Rapido info, pour Marion, les experts sont sur place. C'est la bonne nouvelle. Ils sont trois. Il y a même le maire de la ville pour cet appartement qui a été inondé deux fois. Donc on y revient sûrement lundi. On va faire le point sur le dossier. Mais ils ont tenu parole. Bravo Pacifica. Lundi, on s'en occupe. Monsieur Bern, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire qui est votre invité ? Absolument. J'en ai deux pour le prix d'un. C'est Bérénice Bejo et Stéphane de Grotte qui sont... C'est comme... voilà, si vous, vous êtes très ému, je vous voulez, oui, je suis très ému parce que je les attends. Ah bah oui. Et ils arrivent, ça y est, ils entrent il qu'ils ne viennent pas dans le studio. Eh bah c'est super. Très inquiet, très amusez-vous très bien. On va essayer. Tout ce que vous voulez, c'est le titre de la pièce, voilà, que je cherchais. Allez, à demain. À demain, Julien. Merci. Bonne journée à vous. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov'. » J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov' est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov'. » Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Un grand, grand, grand bravo à toutes les équipes du 9h30, 11h. Bravo qui ont réglé plein de cas ce matin. RTL 11h. L'information sur RTL, de nouveau, avec Marie Guerrier. Rebonjour Marie. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Le procès après les émeutes à Moirans en Isère se termine. Le jugement sera connu mercredi prochain. D'ores et déjà, le procureur vient de demander des peines allant de 6 mois de prison avec sursis jusqu'à 14 mois de prison ferme à l'encontre des 12 prévenus, tous membres de la communauté des gens du voyage. Cette ville de Moirans a vécu un état de siège. Le visage de Marianne, ce jour-là, a été bafoué, à été sali, a déclaré le procureur. Les émeutes remontent à octobre de l'année dernière. Des voitures brûlées, des dégâts sur la voie ferrée, le trafic SNCF interrompu. Les prévenus pourraient aussi être condamnés à payer les dégâts. Serge Pueyo en Isère pour RTL nous précise qu'un an de prison avec sursis a été demandé à l'encontre de la femme qui avait mis le feu aux poudres. Elle avait appelé à la rébellion après que la justice avait refusé que son fils sorte de prison pour aller aux obsèques de son frère. Jugement donc dans ce procès mercredi prochain. Dans l'enquête sur l'attentat du 14 juillet à Nice, 3 hommes ont été relâchés et la garde à vue se poursuit pour 5 autres interpellés en début de semaine. Ils étaient en relation avec le tueur au camion et les policiers veulent poursuivre les vérifications sur leur éventuelle complicité. Chez le constructeur automobile Renault, la direction et les syndicats entament ce matin des discussions pour négocier un nouvel accord d'entreprise. L'objectif est de le conclure d'ici à la mi-décembre. Le précédent accord remonte à 3 ans. Les syndicats avaient alors accepté des efforts conséquents. Réduction de 15% des effectifs, augmentation du temps de travail, davantage de mobilité, de flexibilité et puis le gel des salaires la première année. Cette fois, les syndicats veulent recentrer les débats sur les conditions de travail et de rémunération puisque Renault va mieux. La campagne de la primaire à droite est officiellement lancée avec 7 candidatures validées. Celle d'Hervé Mariton, elle, a été écartée. Le premier tour de scrutin a lieu le 20 novembre et le second une semaine plus tard. Tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales peuvent participer à la primaire à condition de payer 2 € et de signer une charte sur le respect des valeurs républicaines de la droite et du centre. RTL vous pose la question. Allez-vous voter à la primaire de la droite et du centre? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et puis vous pourrez en discuter dans RTL Midi avec Christelle Robière et Vincent Parizeau en appelant le 3210. Thomas Voeckler prendra sa retraite à la fin du Tour de France l'été prochain. Le cycliste français, très populaire, l'annonce aujourd'hui dans le journal L'Équipe. Le Tour m'a tout donné, alors je m'arrêterai là où tout a commencé, explique le Vendéen qui va sur ses 38 ans. Il a porté le maillot jaune sur les Tours 2004 et 2011. La météo, c'est du temps ensoleillé aujourd'hui dans le sud et l'est, plus nuageux dans l'ouest. Une perturbation donne quelques averses le long de la Manche. Les températures, elles restent douces. On attend cet après-midi 20 degrés à Brest, 23 à Paris et Biarritz, 26 à Bordeaux et Marseille et 27 à Nîmes. Les courses à Vincennes, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 11, le 9, le 5, l'As, le 16, le 10, le 17 et le 3. La dernière minute de Bernard, c'est le 10, Chaumard. Et attention, le 12 est non partant. Le 12 non partant. Il est 11h03, vous êtes sur RTL. À la bonne heure commence, bien sûr, avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie Guerrier. Effectivement, nous plongeons dans À la bonne heure. Alors je suis un peu désespéré parce que nous en avons un des deux seulement d'invités. Mais c'est déjà ça. Oh oui, c'est déjà bien. Ça, oui. Il est bien, on le connaît. Bah, écoutez, vous avez content, votre fond de culotte ici. Oui, c'est Stéphane de Groot. Nous attendons Bérénice Bejo, oui, qui va arriver mais d'un instant tarder, à l'autre, parce qu'elle est devant RTL. Là, donc écoutez, elle arrive tous les soirs à l'heure au théâtre, donc il n'y a pas raison qu'elle arrive en retard ce matin. Voilà, exactement. Alors, ça va, je vais vous laisser le temps. Ou alors, elle est plus du soir que du matin. Je ne sais pas. Écoutez, elle va arriver. Très bien, je vous présente mes petits camarades d'abord. Comme tous les jeudis, juste après le journal de midi, vous aurez droit à votre chanson écrite rien que pour vous. Et oui, pour nos invités. Mais qu'est-ce que c'est? C'est nouveau, ça? Oui, c'est nouveau. Ah, oui, il y a eu des nouveautés. Ah, on change. Hein. Et alors, en termes de droit d'auteur, comment ça se passe? C'est lui qui les invite. C'est lui qui t'a invité. Oldelaf, c'est votre cadeau. Bonjour, Oldelaf. Merci beaucoup. Je serai là. À la une, Édouard Dutour pour la revue de presse People. Et il y a quoi raconter cette semaine, hein? Oui, bonjour à tous. On va parler bonjour. D'amour aujourd'hui. Ah oui, vous avez vu ce qui s'est passé. Ah oui, amour et des amours, ça amour, va. C'est horrible. Oui, il y a de la rupture. Mais la rupture de Brad Gelina. Je pensais que